Fontaine, 96.2. C'est quoi la couleur? Arc-en-ciel 96.2, votre émission groupe tropical jusqu'à 20h. Le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, c'est uniquement sur Orléans, sur le 96.2, sur Radio Arc-en-ciel. Ah, ça fait du bien. En tout cas, ravi de vous retrouver en ce jeudi soir. Entre 18h et 20h, on va passer un très très bon moment ensemble. Quelques nouveautés, même des pépites. Ça, je peux vous dire qu'il y a un album qui est sorti hier, je l'écoute en boucle. C'est mon coup de cœur. En attendant d'écouter tout ça, je propose Anthony Drew et le titre Hello. Très très bonne soirée en ma compagnie. Ça fait 2 heures que je suis sur les réseaux. Je regarde ta story et tes photos. Te voir à ses côtés, c'est vrai que c'est beau. Tu sembles avoir tourné la page. Du moins c'est mon impression. Je vais pas te mentir, rien ne brûle de te dire. Dans le noir au kilo, promis, j'irai, je te ferai toucher les c'est toi. Oh hello, juste une dernière fois toi et moi. Hello, main dans la main dans le noir. Oh hello, promis j'irai, je te ferai toucher les étoiles. Hello, oui j'ai l'air de faire ma life et de vivre sans penser à demain. Ouais c'est vrai, je voudrais que tu deviennes ma wife et qu'on bâtisse un empire de nos mains. Aussi vrai, tout est fait, il m'a devancé. Fallait que je te voie la bague au doigt pour le réaliser. Mais le moment est peut-être mal choisi. Oh, man, hello, juste une dernière fois, toi et moi, hello. Main dans la main dans le noir, oh, hello. Promis, juré, je te ferai toucher les étoiles. Pensez à le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. Chaque jeudi, je vous emmène en voyage, et bien oui, comme chaque jeudi soir, entre 18h et 20h avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Alors cherchez pas, parce que ce morceau-là, vous le trouverez nulle part. C'est à moi. Ah, c'est dommage, vous n'avez pas eu d'image. h 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Yeah, et c'est Chantal qui nous accompagne. Salut, oui. Alors toute soirée, jazz là a performé. C'est un seul bagaille mounio à préclamer. Quand pas parti comme ça, si nous pas jeune musique, ça bouillon. La pose aux questions, quittez pose aux questions. Sur Instagram ou sur TikTok, mounio a fait challenge. Sur toute question, mou ta pose. Sur toute question, mou ta pose. Yo me dis ça, yo plé. Yo me dis ça, yo plé. Toute liberté. C'est plus si, c'est ça y'a plein de temps. Quittez, posez aux questions. Ben, la gecko non jazzou. La gecko non jazzou. Dissemblé non jazzou. Dissemblé, dissemblé. Complaisie non jazzou. Complaisie non jazzou. Dissemblé non jazzou. Si moun yo chante, ouais. Mesdames yo bébé, messieurs yo chante. Est-ce que nous parlons pour ça? Ah ben c'est parler, c'est midi, là, c'est comme ça. Combat, combat, combat, combat, combat. C'est les oui. Ou bien Rosette, ça qui est plus fort. Où est ça? Balle pose aux questions. Qui te pose aux questions? Balle pose aux questions. Qui te pose aux questions? Entre Satan ou bien Jésus, ça qui est plus fort. Jésus. Balle pose aux questions. Qui te pose aux questions? Balle pose aux questions. Qui te pose aux questions? Madame Marie, Madame Deron, ça qui est plus bon. Madame Marie. Balle pose aux questions. Qui te pose aux questions? Question. Qui te pose en question? Pas devant ou pas derrière, ça qui est plus bon. Qui te pose en question? Qui te pose en question? Balle pose en question. Qui te pose en question? Soleil, plein les oreilles, plein les yeux. L'amour immortel. L'espoir fait. Alors, si vous ne le savez pas, l'amour est immortel. En tout cas, c'est Stevie, c'est une nouveauté. C'est sorti il y a quelques jours seulement. Je crois une quinzaine de jours. C'est dit à le son de musique. Sur le 96.2, on va continuer comme ça avec le groupe Tranquise. Et puis après, une petite surprise. Ah, c'est un petit peu fort. Tout de suite après, une petite surprise pour des auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Un petit cadeau de ma part et puis d'une amie. Voilà. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Sensible pour jours à passer. Chaque fois que j'ai oublié de dire que me casser. Passer, moi avant son bagage effacé. Dans l'esprit, je dis à me jouer un monde qui comprenne moi. Tu m'entends bien. Li retire tout le souvenir qui t'en donne moi. L'innocence moi. Femme chose moi. Li traite m'a qu'on a li qu'on est pas dans moi. Existence ou pas concerné. Nous pas concerné. Maladie ou non, moi ou bien être ou yon pas concerné. Ou entre dans vie, mon cas de brisé. Mon pas existe là et tout, et tout, et pas besoin qu'on tout mange, tout dormi, tout levé. Tout bas et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et pas besoin qu'on tout mange, tout dormi, tout levé. Tout bas et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, pour manger à quoi tu respires? Pas besoin qu'on joue en vie sous une bonne respirer. J'aime d'abord le monde sans mesurer. T'es humilié, fais me crier, me fais résilier. Mais je dis à me une femme, pour douleur, me lisse calme. Quitte qu'on médicalme, tellement le fait me sentir bien. Je dis à me être souillé, son état bouillé. M'a bon femme de ouais, non, pas même pour n'gouillé. Si de l'eau a mouillé, ma chère débouillé. Si m'terre d'avoir toujours tant son tap touyem. Existence ou pas conseillé. Non pas conseillé. Maladie ou non mort. Bien être ou yon pas conseillé. Ou entre le vie mon cas. Qui t'es produit et tout tiré. Produit et tout tiré. Qui t'es produit et tout tiré. Qui t'es produit et tout tiré. Produit et tout tiré. C'est moi qui t'ai expiré. Sur Orléans, dans votre émission Groupe Tropical, c'était Pierre Jean. Un petit compas, bien sympa. En tout cas, je vous ai dit qu'on avait une petite surprise à faire. La vie réserve parfois bien des surprises. C'est l'histoire de deux amis, Marcelin et Philippe. Marcelin a voulu faire une surprise à son copain, en lui dédicaçant une superbe musique, une superbe chanson. C'est Mirella, une amie Mirella, qui habite du côté, en Normandie, hein, carrément. Je vais pas raconter des bêtises puisque c'est vrai. Qui m'a envoyé donc ce petit morceau. Moi, je vais leur dédicacer. Je dis surtout bravo à Marcelin parce qu'il a un talent fou. Je veux bien qu'il m'en envoie d'autres. Parce que franchement, j'étais épatée. Mirella, je te fais plein de bisous. Merci à toi. Et puis, également à Philippe, hein. On va écouter ça tout de suite. Marcelin, Philippe, plein de bisous à vous. Et toutes mes félicitations pour votre talent. Hello et pipipo, sautez les collègues musiciens. Jusqu'au beau jour, le 25 juin, sautez en conclusion. Vous et pipipo, sautez ces familles, bagaille la vente chaud et des bijoux talas. Zot pa lâché kozot. Pipo ba fami selo c'était pio. Ou vle rete soudé. Gade moi monsieur Pipo, est ça que la vie a pas belle? Nous t'ai rencontré c'est même pas jouer musique, c'est même chèque qui m'ont nicoyé. Un petit événement qui nous partageait des filmates. Surprise là, t'es belle, nous n'y en lien renforcé. Ni en l'amour familial qui pas ni limito, pas ni chip ta sage, pas même bacanal, pas ni jalousie et pas. Bien combien nous qu'a fonctionné. Elle nous pas quitté rien. Vine troublé sans sa vie en nous. La vie a trop belle, frère moi. Elle nous vive li à bonne à l'air. Pas celle même pour faire la fête. Mais à dans toutes circonstances. Arc-en-ciel dans votre émission Groove Tropical, une petite exclusivité. Donne Marcelin Marceline à son pote Philippe Nedra. En tout cas, c'est un très très bel hommage. Dis donc, il n'y a pas de titre. Allez, moi je vais lui en donner un. C'est Pipo. À 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Ça, c'est 5 ans! Oscar! Yeah. man ou fèm senti nan paradis. Ki te montre tout sa ke bouch mwen pa kadi. Kato mi fari me kou mi kambal fèm fè la pli. Oh mama, oh mama, I'll take you wherever you wanna go mama. Ka fè rapide ou ben ka fè li slow. Regardez, il s'en va. Je t'ai dans la peau. J'ai Arc-en-ciel dans votre émission Groupe Tropical, c'était Jean-Marie Ragald avec ce titre My Love. C'est un peu triste, hein, sur le 96.2. Allez, c'est sans retenue. C'est une petite nouveauté. La jeune fille s'appelle Kathleen, non, Kathleen, c'est ça. Et puis tout de suite après, un petit truc sympa, puisque j'ai récupéré, figurez-vous, des extraits du concert de T-Vice ce week-end. Eh bien oui, c'était, je crois que c'était à la salle Chevreuil. Oui, c'était à l'espace Chevreuil. Donc ils ont été tout le week-end là sur la capitale, à Paris bien sûr, mais aussi à Lyon je crois et à Marseille. En tout cas ils ont fait le tour de la France presque. On écoutera un extrait de leur concert en live tout à l'heure. Et puis après, tout de suite après, ah, petite surprise, ma pépite du jour. Heure, 20h, c'est Groupe Tropical et c'est Chantal qui les accompagne. Et pensez que ça ne marcherait pas, cette idée entre toi et moi. Aujourd'hui, nous en sommes là. ça. C'était ce week-end. Des rhumatismes par. va se calmer un petit peu quand même. Je vous ai promis une superbe nouveauté. C'est mon coup de cœur de ce soir. C'est mon coup de cœur de la journée. J'ai reçu l'album il y a 2 jours. Je l'écoute en boucle. Tous les titres sont excellents. Il y en a 12. 12 titres. C'est le tout dernier album de Rochelle Guillaume. J'ai choisi plusieurs titres, mais celui-là qui me tient particulièrement à cœur. Un titre qu'elle chante en duo avec Fanny J. Et c'est Sérène. J'adore les paroles. Écoutez ça. Rochelle et Fanny J pour ce superbe titre dédicacé à tous les joujoux du monde. Moi je me lasse pas de m'écouter, je peux vous dire. J'adore. 96.2 la bonne fréquence, chaque jeudi 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Get up, just. Soin que jalousie, politique n'y fait plus courir. Bad boy pas à la mode encore. Bad boy out, out. Soussou pas à la mode encore. Soussou out, out. Hypocrite pas à la mode encore. Hypocrite out, out. Yo, vagabond, get out. Vagabond out, out. En public y'a pas belle figure. En bas gain hypocrisie. Pas oublié n'gain même fanatique. Y'a subi toute démagogie. Understand that we throwing the game and it can't come green. That's the way the circus band. We be flying so high, you might think it's a plane. Full bass on the mic, so you cannot complain. Cause I'm giving the thing that might blow your brain. Coming on the microphone, expose my thing. You know that I'm the king of the street. You know that I got all them cheats about to make you free. Can't touch us. On the mic, so you cannot complain. Cause I'm giving the thing that might blow your brain. Coming on the microphone, expose my thing. You know that I'm the king of the street. You know that I got all them cheats about to make them free. Arc-en-ciel, 96.2. La FM, la FM en couleur. Sur dans un mois, ça va, ouais, c'est l'éternité. Groupe Tropical, chaque jeudi, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Nous passé un jour sans m'attendre. Autant qu'on va te manquer, si on campe et tout mourir. Pour vomir toute l'implémence, ouais. C'est comme ça, on déteste, ouais. Pour déteste, ouais. We'll be right back. séquence souvenir dans votre émission Groove Tropical avec monsieur Michel Martelly, bien sûr, le titre président. On pas tous en prison. En tout cas, ça fait bien du bien, ça. Allez, petite info pour vous, l'association Tipiment organise le 6 décembre prochain, à partir de 20h, un chanté Noël au domaine de la Canaudière, au domaine de la Canaudière, à Orme, avec le groupe, avec la présence du groupe Rap. Ah oui, le grand groupe Rap. Bien, en attendant, sur le 96.2, si vous voulez les joindre, pour plus d'informations, 07 54 54 09 98. Chantez Noël le 6 décembre prochain au domaine de la Canelière à Orma. Et l'entrée est gratuite. Allez, faut aller vous enjailler là-bas. Du coup, j'en oublie de caler un morceau. Oh, bon, j'étais parti dans mon truc, ouais. Du coup, eh ben c'est de nouveau Rochelle avec un extrait, un deuxième extrait de son tout dernier album qui est sorti il y a 2 jours. Tout en douceur. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. I'm not afraid. fatigué, j'apprends des trois coups. Moi, aller coucher, Zami, endormi, endormi, endormi, endormi. Oui, moi qui parle en restant à dormir. Oh, monde réel, pour ce monde qui te semble éternel. Confiné, fait pas mériter, pour n'y avoir pas semblé. T'as préparé pour quitter, à tous les sans rester. Since last week, yeah. I don't need nobody around me to hold me and take me. You said that you need my control. Hold you and kiss me and tell me you miss me. I wonder the nights when you leave me alone. I play my spade when the card up is poker face. Baby, I promise I'm never gonna fold. Can't say that my heart ain't ever been wrong. Jessica, my love, I wanna give you my all. Have you been involved? I pray tonight you fall. Mírala cómo va con su cara de maldad. Cuando camina, lo del gueto pone mal. tiempo que en este culo quiero estrellar. Jessica, tenemos algo que resolver. No te me hagas la tímida, que sabemos lo tuyo bien, no te escondas. Jessica, tenemos algo que resolver. No te me hagas la tímida, que sabemos lo tuyo bien. Yeah, baby, man. Jessica, Jessica, Jessica. Jessica, ya la voy a ver, ya la voy a ver, ya la voy a ver, ya la voy a ver. On va voir raconter l'histoire de Sarah. Écoutez bien l'histoire de Sarah, écoutez bien, écoutez bien. On y va. C'est l'histoire de Sarah, elle vient d'avoir 18 ans. Sarah aime le chata, mais le cache à ses parents. Donc ce soir elle va en boîte, en cachette évidemment. Ne fais pas comme Sarah, son papa l'attend devant. Hey, Foxy, Foxy, Foxy, t'as vu ce que Sarah elle a fait là? Féro, Sarah elle est en pétard. Et ça fait clap, clap, clap, Sarah whine et elle whine. Sur du chata, elle ne fait pas de détails. Ça fait clap, clap, clap, Sarah whine et elle whine. Sur du chata, elle ne fait pas de détails. Elle veut pas de la violence, elle veut coquer. Elle veut coquer. Elle veut pas de la violence, elle veut coquer. Elle veut coquer. Après deux verres de Nessie, dans sa tête c'est la folie. Et pour qu'elle se flex, moi j'appelle le père Foxy. C'est l'histoire de Sarah, elle vient d'avoir 18 ans. Sarah aime le chata, mais le cache à ses parents. Donc ce soir elle va en boîte, en cachette évidemment. Ne fais pas comme Sarah, son papa l'attend devant. Et ça fait clap, clap, clap, Sarah whine et elle whine. Sur du chata, elle ne fait pas de détails. Et ça fait clap, clap, clap, Sarah whine et elle whine. J'aime bien l'ambiance. Sacré Sarah, en tout cas sur le 96.2. Ah, ça change un petit peu les compas, c'est bien aussi, non? Bon, et ben, du coup, il ne veut pas y aller, lui. C'est drôle. Si, ça y est. Voilà. Bon, allez, allez, c'est vraiment dans le générique, y a pas de souci. Baby, non, non, je veux pas laisser. C'est DJ KWS avec Mike. Et c'est tout ça. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est mon baby. C'est ça qui coulait, non, ben, moi qui fait un et il m'a capable encore. Qui t'es qu'aime dominer. Si l'amour n'a pas des accords. Chérie, c'est pas une raison pour quitter nous tout seul. Pour quitter nous tout seul. La guerre nous fait noir, chérie. Je t'aime tout seul. Oh, tout seul. Je dis aime tout seul. Mais comme elle nous fait noir, la vie. Je t'aime tout seul. Oh, chérie, comme il va quitter nous solo. Je m'en parle avant, chérie, ou mambo. Fais-tu comme c'est régime, moi plein de l'eau. Aïe, mon essai, moi, mes têtes, maintenant chaud. Ouais. Connais la vie, à pas facile. J'ai ou pas besoin, pas les remplis. C'est le café, l'esprit, tant pis. Chérie, tant pis. Qui t'aime tout seul. Ou qui t'aime tout seul. La game de fer noir, chérie. Qui l'aime tout seul. Yeah. commencer à zéro. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel, 96.2, votre émission Groupe Tropical. Et ben, il est presque 20h hein, sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain. Même heure, même endroit, même soleil avec ben, encore plein de bonnes choses. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, un très très bon week-end, une très très bonne soirée pour les fans de football. Allez les Bleus, et je vous dis à bientôt. Je vous laisse en compagnie de Vibe avec ce nouveau titre aussi également. J'ai passé beaucoup de nouveautés quand même hein, ce soir, j'ai oublié de les annoncer. Alors celle-là, je l'aime particulièrement, l'ambiance avec Nap Dyson. Bisous à tous et à la semaine prochaine. Bye bye. Opération Level Moon. 16-2. La FM en couleur.